La filière, une enquête de Philippe Sounds. Écrite et racontée par Philippe Sounds. Adaptation, India Boucrel et Florence Martin-Kessler. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Philippe Sounds a enquêté pendant plus de 10 ans sur Otto Wächter, un officier nazi responsable du massacre de milliers de juifs de 1942 à 1945 qui a échappé à la justice. Il a établi que Mgr Houdal, qui a accueilli Otto Wächter à Rome et qui était à son chevet au moment de sa mort, était non seulement le pivot d'une filière d'exfiltration de nazis vers l'Amérique du Sud, mais aussi un espion, une source pour une opération des services secrets américains, le projet Los Angeles, lancé en 1947. Huitième épisode, Rome, nid d'espions. Le samedi 2 juillet 1949, Otto Wächter se rend pour le week-end chez un ami qui vit en dehors de Rome, près d'un lac, le lac d'Albano. C'est un vieux camarade, comme il le désigne dans une lettre à sa femme Charlotte, tout en prenant soin de ne jamais le nommer. Il est marié à une Italienne et ils ont une petite fille. En ce début juillet 49, Otto a des perspectives d'avenir. Il est sur le point d'obtenir un passeport qui lui permettra d'aller s'installer en Argentine et de refaire sa vie. En 3 mois, il est passé du statut de fugitif sans papier et sans avenir, recherché par toutes les polices, à celui d'homme bientôt libre, en route pour le Nouveau Monde. Ce début d'été a donc le goût du bonheur, en compagnie d'un ami avec qui il peut bavarder en allemand. Il m'a invité pour le week-end. J'ai passé la nuit chez eux et j'ai fait la connaissance de sa femme et du bébé. Dimanche soir, 3 juillet, Otto tombe malade. 10 jours plus tard, il est mort. Est-ce un empoisonnement? Si c'était le cas, le vieux camarade serait évidemment le suspect numéro 1. Je me suis plongé dans les papiers d'Otto pour découvrir l'identité de cet homme. Une aiguille dans une botte de foin. Mais un jour, je suis enfin tombé sur l'indice qui me permettait d'identifier ce vieux camarade. Je m'appelle Philippe Sounds et vous écoutez La Filière. Document numéro 000508 du registre central des criminels de guerre. Date des crimes, 1942-1945. Lieu, Lemberg. L'intéressé est responsable de massacres, d'assassinats et d'exécutions commis sous son commandement alors qu'il était gouverneur de Galicie. James Everest prépare sa thèse à l'University College London, où j'enseigne par ailleurs le droit. Même si son terrain est l'histoire des sciences au XVIIe siècle, c'est lui qui a supervisé la petite équipe de chercheurs qui a travaillé sur les lettres d'Otto et de Charlotte et sur les dossiers de la CIA pour essayer d'identifier les mystérieux contacts d'Otto à Rome. J'ai épluché les dossiers déclassifiés de la CIA et un des noms que j'ai trouvé est celui de Karl Haas. Le mémo déclassifié précise que ce Karl Haas a eu une petite fille avec une Italienne en mai 1949. Donc, ça correspond à la description. Il habitait à Poggio d'Oro. J'ai regardé sur Google Maps, c'est à 5 km du lac d'Albano. C'est forcément lui. Toujours d'après ce document déclassifié par la CIA, Karl Haas était officier de la SS et agent auprès du renseignement allemand. Il s'occupe aussi de la question juive et participe à la déportation de plus de 1000 juifs italiens à Auschwitz. Avant-hier, dimanche, un vieux camarade m'a très gentiment invité au lac Albano. Après la guerre, Karl Haas est fait prisonnier par les Américains, mais il ne sera jamais vraiment inquiété. Car les Américains ont changé d'ennemi. Au lieu de traquer et traduire les anciens nazis en justice, ils décident de les recruter. C'est ainsi que Carl Haas devient agent secret au service des Américains. Oui, l'homme avec qui Otto Werchter déjeune en ce jour de juillet 49 est donc non seulement un criminel de guerre, mais aussi un espion protégé par les États-Unis. Les États-Unis qui n'ignoraient rien de sa participation à l'un des pires crimes de guerre jamais commis sur le sol italien, le massacre des fosses ardéatines. Le 24 mars 1944, en représailles contre une attaque qui a tué 33 soldats SS à Rome, 335 civils italiens sont exécutés dans une sablière désaffectée, les fosses ardéatines. La plus jeune victime a 14 ou 15 ans. Carl Haas a participé à cette exécution de masse. En 1996, pendant son procès à Rome, Carl Haas admettra avoir tué deux otages lors du massacre des fosses ardéatines. Pourquoi ? Pour encourager ses soldats. En poursuivant ses recherches dans les archives de la CIA, James Everest tombe sur une note datée de 1950 et déclassifiée en 2001. Dans ce document, on parle d'un certain Werchter qui vivait à Rome sous le nom de Reinhardt, qui possédait une carte d'identité italienne et qui se préparait à émigrer. Ce Werchter, toujours d'après la note, tombe malade et meurt. Les causes précises de sa mort, dit le document, n'ont jamais été établies. Mais il faut noter que la veille du jour où la maladie s'est déclarée, il avait pris un repas copieux chez le sujet. Le sujet, c'est-à-dire Carl Haas. Il semblerait qu'au cours de la rencontre, le sujet a fait des propositions que Werchter a refusées. Des propositions que Werchter a refusées. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, si les propos consignés dans ces documents de la CIA sont exacts, il semblerait que les Américains aient essayé de recruter Otto Werchter comme agent secret, alors même qu'ils le recherchaient pour crime de guerre. Comment expliquer qu'à partir de 1949, les Américains recrutent d'anciens nazis? Dans des notes américaines internes que j'ai retrouvées, un officier du renseignement justifie le recours aux anciens nazis par cette phrase. À l'époque, notre position était simple. Tous ceux qui étaient contre les soviétiques étaient avec nous. Un autre le formule ainsi. On aurait pactisé avec le diable pour obtenir des informations sur les communistes. C'est comme ça que Carl Haas avait été recruté par l'ancêtre de la CIA, le Counterintelligence Corps de l'armée américaine. Son nom de code, Carlo 006. C'était lui le principal agent secret du projet Los Angeles, une opération d'espionnage qui s'est déployée pendant 4 ans avec, entre autres, l'objectif d'infiltrer le Parti communiste italien. Voilà ce qu'en attendaient les Américains au lancement de l'opération le 15 décembre 1947. Obtenir des informations sur les activités et les militants du Parti communiste italien, aider le contre-espionnage à établir la liste des communistes italiens les plus dangereux, effectuer des études stratégiques sur le sud Tyrol et sur toutes les organisations de partisans. Carlo 006 avait recruté 7 informateurs qu'il payait chacun $50 par mois en cash. Parmi eux, Monseigneur Oudal, l'évêque nazi. Dans cette logique, il ne semble pas inconcevable que les Américains aient voulu recruter Otto Werchter. David Cornwall, plus connu sous son nom de plume John le Carré, a travaillé pour les Britanniques en Autriche à cette époque. Il m'explique comment auraient pu fonctionner les services vis-à-vis d'un profil comme celui d'Otto. Ce qu'ils auraient pu faire pour lui s'ils l'avaient recruté, c'est ce qu'ils ont fait pour plein d'anticommunistes au passé douteux. Détruire son dossier, ou le planquer sous le tapis, ou bien le remplacer par un faux dossier, ou encore organiser une audition bidon, et ni vu ni connu. Donc monter une opération de blanchiment. Ouais. Il y a une expression allemande extraordinaire, le Persilschein, le certificat persil, qui lave plus blanc que blanc. Vous passez à la lessiveuse, et hop, blanchi. C'est arrivé ? C'est arrivé, bien sûr que c'est arrivé. Avec persil, on se sent bien. Votre linge est parfaitement blanc et éclatant. Avec persil, votre linge est bien soigné. aussi agréable à porter qu'à regarder. Persil, une vraie blancheur. And is it something that both the Americans and the British... Est-ce un processus que les Américains et les Britanniques utilisaient? Je crois que chez les Britanniques et les Américains, il y avait des gens qui étaient totalement contre ces méthodes au sein des services. Mais ça ne servait à rien. Et depuis que le renseignement est devenu l'énorme machine qu'il est aujourd'hui, il suffit de collaborer avec une agence pour effacer, si besoin, un passé compromettant. C'est ainsi que Karl Haas a pu laver son passé, sortir plus blanc que blanc de la lessiveuse. Et puis, il y a des noms de code. Carlo 006, Gruesome 201 et Agent 3639. Tout y est, sauf l'essentiel. Sa participation au massacre des fosses ardéatines. C'est ça l'efficacité Persil. Propreté impeccable. Pas un mot, nulle part, sur le crime. Admettons que Karl Haas ait proposé à Wächter de travailler pour les Américains. Ça aurait été l'occasion parfaite de blanchir son nom et de laver son passé. Or, le rapport indique qu'Otto aurait refusé. Qu'en pense John Le Carré? Il est possible qu'on ait voulu utiliser Wächter comme recruteur au service des Américains. Il y avait des gens brillants parmi les anciens nazis qui avaient tout intérêt à disparaître et à se réinventer. Il ne faut pas oublier que Wächter avait eu une carrière politique. Il avait été secrétaire d'État en Autriche après l'Anschluss. Il avait une influence considérable dans certains milieux, une certaine réputation, ce qui plaisait au Vatican. Il serait arrivé avec son réseau, avec son propre carnet d'adresses, si vous voulez. Il est possible qu'on lui ait fait cette proposition. Je ne vois pas pourquoi il l'aurait refusé. C'est la question que j'allais te poser. À la place de Wächter, un type viscéralement anticommuniste en cavale, si les Américains lui avaient fait une telle proposition, il aurait sauté dessus, je pense. Alors pourquoi Otto Wächter aurait-il refusé une proposition si alléchante, venant des Américains? Peut-être que ça venait de quelqu'un d'autre. À mon avis, d'après tous ces éléments, je dirais que c'était le KGB. S'il y a quelqu'un qui sait de quoi il parle, c'est bien John Le Carré. Or, il suggère que ceux qui tentaient de recruter Otto n'étaient peut-être pas les Américains, mais les Soviétiques. Y a-t-il des indices pour confirmer cette hypothèse? Peut-être bien. Un des dossiers de la CIA que nous avons consulté indique qu'en 1949, Karl Haas aurait pu être un agent double à la solde des Russes et des Américains. Le sujet est soupçonné par des relations proches de travailler pour le Cominform. Le Cominform, le bureau d'information soviétique chargé de la diffusion du communisme en Europe. Karl Haas, agent double. Le document de la CIA explique, je cite, « Il semble que Karl Haas a dénoncé un certain nombre d'Allemands en prétendant qu'ils étaient communistes, alors que tous sans exception sont connus pour être farouchement anticommunistes. » Ce qui nous amène à la dernière théorie de Horst sur la mort de son père. Du moment où on a su qu'il était à Rome, pour moi il était déjà mort. Parce qu'il a forcément été assassiné. Par qui? Par les Soviétiques. Je demande à John Le Carré, lui qui était justement espion anti-soviétique en 1949, si à sa connaissance, les Soviétiques avaient commis des assassinats. Ils ont éliminé des gens. Les Cominternes, les Russes, ont assassiné des gens. Depuis la Révolution et même avant, les Russes ont une longue histoire d'assassinats politiques. Ils sont clairement plus partisans de cette méthode que les Occidentaux, qui par instinct sont plus pragmatiques. On ne peut jamais prévoir à coup sûr le résultat d'un assassinat. Alors oui, ils tuaient, et on le savait. Karl Haas n'était pas le seul agent double dans l'entourage d'Otto. Rappelez-vous Hedy Dupré, la charmante dame prussienne qui avait aidé Otto à trouver un hébergement dans un monastère du Vatican et était venue le voir à l'hôpital Santo Spirito quand il était tombé malade. Quand je suis arrivée à l'hôpital, on ne m'a pas laissé entrer tout de suite. J'ai été interrogée, mais je ne pouvais pas donner des détails sur mon identité. James Everest a découvert d'autres dossiers de la CIA dans lesquels son nom apparaît. Elle travaillait pour les services de renseignement italiens et peut-être soviétiques. Tout ça est évidemment follement romanesque. Mais il y a une autre explication possible à la mort d'Otto. La mort naturelle. C'est moins excitant qu'un roman d'espionnage de John le Carré. Je décide de retourner à l'endroit où Otto Werchter a déjeuné avec Karl Hess en ce funeste dimanche de juillet 49. Prendete la seconda uscita. Ricalcolo percorso. Dans ce restaurant offrant une vue magnifique sur le lac d'Albano, on s'affaire pour un mariage, mais je ne suis pas invité à la noce. J'ai rendez-vous avec le père Schrott. Don Marco Schrott s'occupe d'une petite paroisse du diocèse d'Albano, l'église Regina Pacis à Pian di Frasso. Il est né ici. C'est un homme chaleureux et drôle, qui n'aime pas se mettre en avant. Quand il était jeune, il a vécu un temps en Afrique, en Sierra Leone, au moment de la guerre. Une guerre que je connais en tant qu'avocat international à travers le procès de Charles Taylor, le premier ex-chef d'État à être condamné pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre depuis Nuremberg. J'ai eu affaire aux rebelles. Imaginez Daesh aujourd'hui. Don Marco a même été fait prisonnier. On lui a dit, ici, en Sierra Leone, le seul dieu, c'est la Kalachnikov. Je voulais comprendre comment des hommes en venaient à commettre des atrocités pareilles. On partage ça, lui et moi. C'est la chose qui m'intéresse le plus au monde. L'écrivain Javier Cercas m'avait partagé une phrase. Il est plus important de comprendre le bourreau que la victime. C'est d'autant plus intéressant quand on connaît l'histoire de Don Marco. Mais il faut que je vous explique comment je suis arrivé jusqu'à lui, dans ce restaurant un peu bruyant. Je cherchais à entrer en contact avec la fille de Karl Hess, le bébé âgé de 7 semaines, dont Otto avait parlé dans ses lettres. Après beaucoup d'efforts, j'ai trouvé un petit article de journal, publié à la mort de Karl Hess, où il était fait mention de sa fille Enrica. C'était en 2004, et c'est Don Marco qui avait célébré la messe. Peut-être ce prêtre pourrait-il nous mettre en relation avec Enrica. Je lui ai écrit, nous nous sommes parlé. Il m'a appris que Enrica était morte. Mais il se trouve que Don Marco n'était pas un prêtre lambda qui avait célébré les obsèques de Karl Hess. I was a good friend of the daughter. Sa fille et moi, on était amis. Il me raconte que Karl Hess et sa femme, Anna Maria, qui n'était pas vraiment sa femme, mais sa maîtresse, habitaient à côté de chez lui quand il était petit. Les Schrott et les Hess étaient voisins. Enfin, plutôt, les Schrott et les Giustini, qui étaient le faux nom de la famille Hess. Enrica avait exactement l'âge de Marco. Je lui demande quel bruit courait sur Karl Hess. Que disaient ses parents, les gens du coin, à son sujet? Je lui demande s'il savait que Karl Hess était un ancien nazi. Oui. Tout le monde le savait. Oui, oui. Vos parents aussi. Bien sûr. Ils vous avaient dit de vous méfier de cet homme? Non, non. En Italie, beaucoup d'organisations fascistes s'étaient transformées en organisations démocrates ou communistes. Tout était possible. Autrement dit, les fascistes étaient toujours là, mais sous une autre apparence. En ville, on savait que Karl Hess était un nazi et tout le monde s'en fichait? Exactement. Il était bien intégré? Oui, oui. Ça me semble incroyable. En revanche, tout le monde ignorait que Karl Hess était un espion en activité, à commencer par sa fille Enrica. Enrica, Est-ce qu'elle savait ce que faisait son père ? Non, pas du tout. Elle ignorait son métier ? Elle en ignorait tout, elle a beaucoup souffert. À cause de ça, elle était très bonne élève et écrivait sans arrêt des poèmes sur la mort. Elle avait beau être très jeune, elle ne parlait que de la mort. De la mort ? Mourir ? Oui, la mort. En bavardant avec Marco, j'apprends que Enrica n'était pas seulement une amie d'enfance, c'était aussi sa belle-sœur. Elle était mariée au frère de Don Marco, Victor. Victor avait épousé Enrica. Et lui, il habite ici ? Non. Il vit où ? À Genève. Mon frère ne s'appelle pas Schrott, mais Williams. Le nom de jeune fille de votre mère ? Non, ma mère s'appelait Von Hiking. Pourquoi vous appelez-vous Schrott ? Et votre frère, Williams? Parce que le père de mon frère s'appelait Williams. Ah, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, mais je suis quand même un peu perdu. Alors, reprenons point par point. Marco et Victor sont demi-frères. Victor, l'aîné, a été abandonné par son père biologique, un certain monsieur Williams, dont il a conservé le nom. Ça peut paraître anecdotique, mais vous allez voir, c'est très, très intéressant. Pendant le déjeuner, Don Marco m'en dit plus sur son demi-frère Victor. Et là, je tombe des nues. Le vrai nom du père de Victor n'était pas Williams, mais Tommaso Lucido, ou Thomas Lucide. Marco voit ma mine étonnée. Effectivement, ça me dit quelque chose. Mais quoi exactement ? C'est James Everest qui m'explique. Thomas Lucide travaillait pour le Counterintelligence Corps de l'armée américaine. Il dirigeait le projet Los Angeles. Le nom Williams était une fausse identité pour le protéger. Vous suivez toujours ? Je l'espère, parce que c'est un peu compliqué. Le père biologique de Victor, le demi-frère de Marco, était Thomas Lucide, un espion américain et pas n'importe lequel. C'était l'un des plus puissants espions américains de l'époque. Il avait eu une aventure avec la mère de Don Marco, assis en face de moi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de Carl Haas, qui, vous avez vu les documents que j'ai apportés, avait été recruté par le contre-espionnage américain. Et voilà que j'apprends que le vrai père de votre frère travaillait justement pour le contre-espionnage américain. Thomas Lucide connaissait peut-être Carl Haas. Absolument pas. Pourquoi ? Parce que je connais l'histoire de ma famille. Vous pouvez toujours chercher un lien. Je vous souhaite bon courage. Mais je suis sûr qu'il n'y en a pas. Sûr ? Mais vraiment, allez-y. C'est votre boulot de chercher ce lien, pas le mien. Il a raison. Après le déjeuner, Don Marco, qui est vraiment charmant, propose de me reconduire à mon hôtel à Rome. C'est alors que je reçois un texto de James Everest. Marco and Horst, I've got another piece of news for you. I've just had a text from James in the taxi. Il me confirme que Thomas Lucide ne pouvait pas ne pas connaître Carl Haas. C'est Thomas Lucide qui a recruté Carl Haas au sein des services pour le projet Los Angeles. Dans cette Italie de l'après-guerre, les deux hommes, sous de fausses identités, Williams pour l'un, Giustini pour l'autre, étaient tombés amoureux à peu près en même temps de deux jeunes femmes, respectivement Charlotte von Hiking et Anna Maria Fiorini, qui toutes les deux allaient avoir un enfant hors mariage et qui toutes les deux allaient s'installer dans le même quartier. Et comme le réel est toujours plus dingue que la fiction, leurs enfants respectifs, Victor et Enrica, allaient eux aussi tomber amoureux et avoir un enfant. Les deux collègues, les deux espions, devenaient aussi les deux grands-pères d'un même petit-fils, le neveu de ce prêtre catholique au volant à côté de moi. Moi, je suis un peu lent en matière de généalogie, mais ça y est, je viens de comprendre comment ça fonctionne. Donc, Enrica épouse son voisin Victor. Le père d'Enrica, c'est Karl Haas. Mais elle ignore que le père biologique de son mari, Victor, est Thomas Lucide. Or, Thomas Lucide est le patron du contre-espionnage américain et l'officier traitant de Karl Haas. Regardez la route, Marco. Ne vous retournez pas dès que je dis un truc intéressant. Je n'ai jamais eu un seul accident. Il ne faut jamais dire jamais. Voilà ce qui se passe quand on commence à fouiner dans le passé. On est frappé par la dinguerie de réel. Même John le Carré n'aurait jamais osé écrire une histoire pareille. Dans le prochain épisode de La Filière, nous ferons la connaissance d'un espion incroyable mais vrai qui aurait eu tout intérêt à recruter Otto Wächter. C'était La Filière, une enquête de Philip Sounds. Écrite et racontée par Philip Sounds. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Adaptation, India Boucrel et Florence Martin-Kessler. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Musique originale, Sekou Keïta et Catherine Finch. Avec Lambert Wilson pour la voix de Otto Wächter. Et Horst Wächter, voix française, Emmanuel Ménard. John Le Carré à Londres, voix française, Emmanuel Suarez. James Everest à Londres, voix française, Aurélien Ozinski. Le père Marco Schrott à Castel Gandolfo en Italie, voix française, Pascal Toro. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Générique complet à retrouver sur franceculture.fr.